fou. Cette semaine, au Mathieu Plancho. Dans Television Television, le CRTC agite la licence des distributeurs pour le forfait télé de base à 25$. C'est un bon conseil, ça, si votre télé fonctionne mal, juste à l'agiter et donner un petit coup dessus, c'est connu. Dans le segment Geek Cynics, une application pour tester les humeurs des étudiants universitaires. Moi, je cherche des gens pour essayer mon application qui teste l'humour, parce que le sarcasme, c'est pas pour tout le monde. Et dans Merci Science, avoir un petit frère ou une petite sœur, c'est bon pour la santé, au Mathieu Plancho. Et voici celui qui brasse sa radio pour la mettre sur shuffle, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 21 mars 2016, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies et médecine, merci science, le segment geek CNX. Dans quelques instants aussi, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro. En fait, pendant quelques instants, je sais, mais ça va être à la fin de l'émission cette semaine, d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard, qui va nous parler d'un petit marathon de jeux de NES. Ça, c'est à la fin de l'émission, dans une heure et demie environ. Mais pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence avec un extrait de l'artiste Garvalve. Voici la très bien nommée en français Boue et glace. Mathieu Plancho sur Cif. Garvalve fait la pièce Boue et glace, fabriquée dans Family Tracker. En passant, j'étais en train de regarder sur la page de chipmusic.org. Family Tracker, c'est le logiciel pour faire du chiptune. On peut aussi faire du chiptune à partir d'une vraie console NES, mais apparemment que la cartouche pour transférer la musique d'une NES coûte environ 150$ américains. Je ne savais pas ça. Maintenant, c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique dans laquelle on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence au Québec, mais avec du mainstream un petit peu. C'est le retour de José DiStasio à la télé. José DiStasio qui signera son retour au petit écran cet automne, près de 2 ans après le dernier épisode de l'émission À la DiStasio. L'animatrice culinaire retrouvera Télé-Québec avec une série intitulée DiStasio. Celle qui a livré bataille à un cancer du sein se concentrera sur le plaisir de se nourrir d'idées, de trouvailles et de bons produits. Au menu des 11 épisodes offerts en format de 60 minutes, recettes, astuces, mode de vie et un petit côté bonne franquette. Ainsi, José DiStasio Radio fera découvrir aux téléspectateurs le quotidien de familles qui prennent plaisir dans la cuisine et de celui des gens qui préfèrent manger en solitaire, en plus de nous plonger dans l'intimité de chefs ou de personnalités culinaires. Grâce à sa nouvelle émission, José DiStasio poursuit son association avec Télé-Québec, ils ont depuis presque 20 ans. En 98, elle a fait ses débuts à Télé-Québec aux côtés de Daniel Pinard sur le plateau de Ciel Montpinard. Et pendant 13 saisons, pardon, elle a ensuite été à la barre de À la DiStasio. À la fin de 2014, on apprenait que l'aventure serait écourtée en raison d'une grave maladie que devait combattre la principale intéressée. On reste au Québec et on reste encore dans le mainstream avec Marie-Pierre Morin qui va animer un talk show sur ZTélé. Après avoir annoncé qu'elle serait grande sœur à la voix junior, Marie-Pierre Morin a révélé sur Facebook qu'elle sera à la barre de son propre talk show intitulé Marie-Pierre, hein, à Z cet automne. Celle qui a animé Faites comme chez vous l'automne dernier sur les ondes de TVA et qui n'a pas été renouvelée, elle recevra un invité à chaque émission à qui elle réservera de nombreuses surprises. L'émission est produite par Éric Salvay, comme toutes les émissions du monde. Ça va être réalisé par Daniel Lorrain, qui a travaillé sur, entre autres, Piment fort et Belle et Bomme. Donc, on voit que Z se attentise un petit peu, là. Trop à mon goût. On va aux États-Unis, mais par la bande d'une Québécoise. C'est Anne-Marie Lozic. 5 ans après s'être lancée, oui, c'est très très mainstream aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. 5 ans après s'être lancée dans le divertissement pour adultes, Anne-Marie Lozic semble avoir remporté son pari. Avec sa compagnie Vanessa Media, elle courtise les Américains avec des produits intelligents et qui ont du contenu, dit-elle. Anne-Marie Lozic est une femme occupée. La semaine dernière, la femme d'affaires s'est rendue à New York et à Los Angeles dans le but de rencontrer différents dirigeants de chaînes spécialisées, dont HBO. Primée à Berlin, Erika Lust propose la série Ex Confessions, qui connaît beaucoup de succès en Europe. C'est ce genre de produit que la femme d'affaires veut intégrer au catalogue de Vanessa Media et qui pourrait lui permettre de percer le marché américain. La vague actuelle est vers le indie erotica. Elle dit que les Américains sont rendus complètement ailleurs sur le produit pour adultes. La porno de base est encore là, mais il y a des marchés de niche à développer, dit-elle. Dans cette optique, Vanessa Media a conclu une entente avec Big Glass Pictures, Big Glass, une plateforme de contenu non adulte. Ils veulent du produit French Indie Erotica, pas de porno. Ces derniers jours, elle a aussi rencontré les opérateurs américains DirecTV, AT&T et Verizon dans le but de vendre du produit à la pièce. Du côté européen, Vanessa Media s'est entendue avec la compagnie Colmax, qui œuvre dans le divertissement pour adultes depuis 30 ans. En février dernier, elle a lancé une chaîne sur demande qui s'appelle Colmax TV. Quant à sa chaîne Vivid TV, ça c'est l'ancienne Vanessa, elle a connu une hausse de 7% d'abonnement en 2015, en plus d'une hausse de 40% pour la vidéo sur demande. Voilà pour Anne-Marie Lozic. On passe au Canada. Télé de base à 25$ par mois. On en parlait en intro un petit peu. Le CRTC agite la licence des distributeurs. Il est encore trop tôt pour savoir si les fournisseurs canadiens de services de télé ont adhéré à la nouvelle philosophie imposée par le CRTC, qui est d'offrir un service de base à 25$ par mois maximum. Mais le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, Jean-Pierre Blais, rappelle qu'il a dans sa manche une arme de conviction massive, le prochain renouvellement de la licence des distributeurs de contenu télé qui, dans la plupart des cas, viendra à échéance sous peu. Le CRTC, depuis le 1er mars, les fournisseurs canadiens de services de télévision par câble ou par satellite doivent offrir aux consommateurs un service de base à 25$ par mois maximum. Les distributeurs doivent aussi offrir d'ici décembre des bouquets de chaînes supplémentaires que le consommateur composera lui-même à la carte. Un peu comme on a déjà au Québec, mais ça va être valable au Canada. Anglais. Le CRTC a reçu depuis le 1er mars 600 plaintes de consommateurs concernant ses offres, mais M. Blais refuse pour l'instant de dénoncer une entreprise alors que le CRTC continue de surveiller attentivement la mise en œuvre des nouvelles règles. M. Blais rappelle que déjà certains distributeurs ont modifié légèrement leurs offres, vraisemblablement pour se conformer aux règles ou pour satisfaire la clientèle. Et le fardeau ne repose pas que sur les distributeurs, soutient M. Blais. Le consommateur doit aussi faire ses devoirs, négocier de meilleures offres et être prêt à changer de fournisseur s'il le faut. Il dit, je cite, « Malheureusement, on doit parfois menacer de partir. C'est la seule façon de se faire entendre. C'est le seul moyen d'obtenir une meilleure offre, peut-être pour 12 mois seulement, mais c'est la loi du marché. C'est un marché très dynamique où le consommateur peut jouer un rôle pour tenter d'obtenir une meilleure offre. » C'est un article de la presse canadienne. On va aux États-Unis maintenant. 50 Cent à la barre d'une émission de variété. Il va tenir compagnie à Marie-Pierre Morin, toi. La chaîne télé A&E a surpris bien des gens en décidant de confier l'animation d'une émission de variété au rappeur 50 Cent. La star qu'on aperçoit régulièrement avec des montagnes d'argent sur les médias sociaux malgré une alléguée faillite veut expérimenter en compagnie de plusieurs artistes aux talents différents. Par exemple, la magie, la musique et la danse, nous dit Big. Je cite, j'ai grandi en écoutant des émissions de variété. Je suis très excité à l'idée d'ajouter mon grain de sel à ce genre de spectacle. J'espère que tout le monde est prêt à exposer son talent. Je veux que cette émission montre le meilleur du meilleur. En marge de l'héritage d'émissions de variété de A&E, il désire redéfinir le genre. Ils disent que 50 Cent est le partenaire parfait pour rafraîchir ce format classique. Il a une excellente réputation dans l'industrie et ils ont hâte de le voir donner la tribune aux artistes. 50 Cent n'a jamais été animateur par le passé, mais il a produit et joué dans quelques émissions et films, notamment Southpaw, lancé l'été dernier. Maintenant, Série Noire sur le campus deviendra une série. Là, vous allez me dire, mais Colin, Série Noire, c'est une série depuis toujours. Non, non, non, on parle de Série Noire sur le campus. En fait, Série Noire au campus. C'est bizarre, le titre dit Série Noire sur le campus, mais le titre en français est Série Noire au campus, qui est le film Heathers en version originale. Donc, la comédie noire de Michael Lehman, sortie en 89, se réinventera pour se transformer en anthologie diffusée sur la chaîne payante TV Land. La série proposera de nouveaux personnages qui succéderont à ceux incarnés à l'époque par Winona Ryder, Christian Slater et Shannon Doherty. Avant de devenir de véritables stars du petit écran et du grand écran, les trois acteurs se sont donné la parole dans Heathers. Winona Ryder, plus connue que les autres grâce à son rôle dans Beetlejuice de Tim Burton, incarnait Veronica Sawyer, une lycéenne qui rejoint une bande de filles riches et impitoyables qui s'appellent toutes Heather. À force de cruauté, de mépris et de manipulation envers les autres adolescents, Veronica souhaite quitter le groupe et retrouver ses anciens amis. Pour son passage à la télé, le film deviendra une anthologie qui changera de personnages et de décors à chaque saison à la manière de Fargo sur FX. Oui, de personnages et de décors, ça me rappelle aussi American Horror Story, American Crime Story, mais bon. TV Land compte par ailleurs changer les protagonistes afin de les actualiser. Heather Duke, joué à l'époque par Shannon Doherty, deviendra un homme qui aime s'habiller en femme et se faire appeler Heather. Heather McNamara, joué par Lisa Falk, se transformera en lesbienne afro-américaine, tandis que Heather Chandler, joué par Kim Walker, possédera le corps d'une obèse. Fatal Games devient la deuxième nouvelle version de la chaîne câblée TV Land après le Club des Ex, film de 96 qui réunissait Diane Keaton, Bette Midler et Goldie Hawn. La nouvelle version mettra en scène trois anciennes amies qui fréquentaient la même université dans les années 90. Suite à la mort d'un ami proche, elles reprennent contact et s'unissent afin de surmonter leur divorce et autres défis de la vie. Sarah Palin va être juge à la télé. Oui, Sarah Palin peut-elle voir la justice de sa fenêtre? Hein? Beau petit gag de la presse, parce qu'elle disait pouvoir voir la Géorgie de sa fenêtre, et elle confondait l'État et le pays, bon, hein? En 2017, donc, l'ex-gouverneur de l'Alaska animera une nouvelle émission de télé-réalité juridique. Elle a signé récemment un contrat avec Warm Springs, une maison de production au Montana. L'ex-candidate à la vice-présidence se penchera sur de véritables cas juridiques, un peu comme Judge Judy ou encore au Québec, Anne-Marie Goldwater avec l'arbitre. Le projet est en développement. Perlin doit d'abord tourner un pilote et Warm Springs compte lancer l'émission sur plusieurs chaînes américaines à l'automne de 2017, donc en syndication qu'on appelle, où les réseaux, les stations locales peuvent en fait acheter une série. Elijah Wood dans la série sur les enquêtes de Dirk Gently. Le détective farfelu inventé par l'écrivain Douglas Adams deviendra le héros d'une série télévisée à laquelle participera Elijah Wood, annonce Deadline. Le personnage imaginé à la fin des années 80 par le britannique Douglas Adams est un détective privé aux méthodes d'investigation peu communes et incompréhensibles de tous, également connu pour s'embarquer dans des enquêtes absurdes. Elijah Wood ne comprend pas ce personnage, mais son assistant Todd, un homme à l'esprit mordant, intelligent et compatissant. L'ancienne star de la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, participera aux 8 épisodes diffusés à l'automne 2016 sur BBC America. Apparu en 87, Dirk Gently est le héros de trois romans, Un cheval dans la salle de bain, Beau comme un aéroport et Le saumon du doute, qui a resté inachevé suite à la mort de son auteur en 2001. Il a déjà été campé à la télévision anglaise dans une adaptation de la BBC 4 entre 2010 et 2012 par Stephen Morgan, qu'on connaît pour Houdini and Doyle. Maintenant, tiens, pour les fans, une bonne nouvelle, les fans de Mary Louise Parker qui va jouer dans une série de Gus Van Sant. Mary Louise Parker, l'ancienne star de Weeds, participera à When We Rise, mini-série de Gus Van Sant prévue en 2017 sur ABC selon Deadline. Composée de 7 épisodes, la fiction se centrera sur les prémices de la lutte pour l'égalité des droits des homosexuels aux États-Unis lors des émeutes de Stonewall en 69. Le scénario s'intéressera plus particulièrement au destin de plusieurs personnalités politiques du mouvement LGBT. Parmi elles, Mary Louise Parker prêtera ses traits à Roma Guy, une militante de la justice sociale et de la cause homosexuelle, en couple avec l'activiste Diane, incarnée à l'écran par Rachel Griffiths, qu'on connaît pour Six pieds sous terre. Guy Pearce, qu'on connaît de Iron Man 3, entre autres, incarnera lui aussi un activiste, Cleve Jones. Gus Van Sant, artiste engagé dans la défense des droits des gays, réalisera les deux premiers épisodes. Toujours aux États-Unis, Channing Tatum et sa femme préparent une émission de danse. Donc, Channing Tatum et Jenna Dewan Tatum, mariés depuis 2009, concoctent un concours de danse télévisé pour la chaîne américaine NBC, selon The Hollywood Reporter. Encore sans nom, l'émission devrait révolutionner le genre à la télé américaine. Tout le monde dit ça. Actuellement dominée par Dancing with the Stars, qu'on appelle ici... Danser avec des vedettes, la guerre des dieux de la danse des étoiles, qui vient d'attaquer sa 22e saison sur ABC. Et So You Think You Can Dance? Fait que tu penses que tu sais danser? C'était la fièvre de la danse à TVA, qui dévoilera sa 13e saison en mai prochain sur Fox. Avouez que si l'émission s'appelait Fait que tu penses que tu sais danser, ce serait pas mal meilleur. Mais bon. Danseuse professionnelle qui a déjà collaboré avec Janet Jackson, Missy Elliott et Christina Aguilera. Janet Dewan Tatum officiera en tant que juge, un rôle qu'elle a déjà détenu en 2014 le temps d'un seul épisode de So We Think You Can Dance. Son mari, la star du grand écran Channing Tatum, sera quant à lui producteur et n'exclut pas des apparitions occasionnelles. Ça me surprendrait s'il n'y en avait pas. Alors, on a déjà parlé de MacGyver et le remake il y a quelques semaines. CBS vient de trouver l'acteur pour jouer ce fameux MacGyver. En fait, il va jouer, on va le dire dans la nouvelle de toute façon, Lucas Steele, jeune acteur vu dans la saga X-Men, reprendra le rôle mythique de MacGyver dans la relance que prépare la chaîne CBS pour la saison prochaine, selon Deadline. À 25 ans, le Texan décroche le premier rôle de la nouvelle version de MacGyver, succédant à Richard Dean Anderson, qui a incarné ce personnage de 85 à 92. Angus MacGyver deviendra donc un vingtenaire. J'ai jamais vraiment entendu l'expression un vingtenaire. Recruté par une organisation clandestine afin de résoudre certains problèmes à sa manière. Lucas Steele sera accompagné par George Eads, qu'on connaît pour la série Les Experts ou CSI, et Joshua Boone. Connu des spectateurs pour avoir incarné Havoc dans la saga X-Men depuis 2011, il sera à l'affiche du prochain X-Men Apocalypse qui sortira le 18 mai au cinéma. Emma Stone et Jonah Hill réunis à la télé. Emma Stone et Jonah Hill vont de nouveau jouer ensemble. Ils travaillent sur l'adaptation de la série comique norvégienne Maniac. Les acteurs qui avaient déjà joué ensemble dans Super Malade. Ça, c'est quoi ça? C'est. Non, je ne me rappelle pas du nom. Est-ce que c'était ça en français au Québec? Je ne suis pas sûr. En tout cas, seront à nouveau réunis dans ce nouveau projet réalisé par Cary Fukunaga, qui a travaillé sur True Detective. Pendant que je fais mes recherches en direct sur Super Malade. En français, oui, Super Malade au Québec. Oh, wow, ils ont adapté l'article. En France, ça s'appelle Super Grave. C'est Super Bad en anglais. Super Grave. Maudit français. La série inspirée de la comédie d'humour noir diffusée en Scandinavie en 2014 suivra le patient d'un hôpital psychiatrique persuadé de vivre dans un monde fantastique imaginaire. Jonah Hill et Emma Stone interpréteront donc des patients de cet hôpital et seront également producteurs du projet, tout comme Cary Fukunaga. Les artistes aidés par les productions Paramount TV et Adult Content vendent en ce moment le projet aux chaînes américaines, d'après le Hollywood Reporter. Ce sera la première fois que la superstar Emma Stone retournera sur le petit écran depuis son rôle dans la mini-série Drive qui date de 2007. Avant ça, on l'avait vu à la télé tenir des petits rôles dans Malcolm, Medium ou La vie de palace de Zack et Cody. Jonah Hill est un habitué de la télé. En 2006, il était dans Campus Ladies. Il a prêté sa voix à un personnage des Simpsons en 2009 et à la série animée Alan Gregory. Ce sera la deuxième fois que Cary Fukunaga travaillera sur une série de télé. Son travail sur la première saison de True Detective avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson lui a valu beaucoup d'éloges. Grâce à la série, le réalisateur a remporté le prix de la meilleure réalisation aux Emmy Awards en 2014. Maintenant, on va sur Internet. Que sait-on réellement de la série sur... qu'est-ce qu'on sait réellement sur la série de Woody Allen? Woody Allen, oui. Le tournage de la première création télévisée du cinéaste new-yorkais débute ce mois-ci dans sa ville de prédilection, mais comme à son habitude, le réalisateur a fourni très peu d'informations sur cette série alors qu'elle est censée arriver cette année. Waouh, il y a vraiment des fautes! Excuse-moi. Censé arriver et... cette année sur Amazon Prime, ça me déconcentre des fautes. Bon. Woody Allen adore entretenir le mystère autour de ses réalisations. Sur son prochain film, le metteur en scène n'a encore rien voulu dire sur son titre et son intrigue. Seuls indices d'ici dans la presse, la distribution, on en a parlé un petit peu, Blake Lively, Kristen Stewart, Steve Carell et Jesse Eisenberg. Une partie de son décor, c'est les années 30. Pourtant, sa nouvelle comédie romantique est prévue pour l'été en Amérique du Nord. Lorsque le réalisateur fait une incursion dans le monde des séries, il applique la même recette. Sa création qu'il a écrite et qu'il s'apprête à diriger dans les jours à venir demeure encore bien mystérieuse. Également sans titre, elle devrait se dérouler dans les années 60 et arriver sur Amazon Prime d'ici la fin de l'année, sous la forme de 6 épisodes d'une demi-heure. Ce qui est quand même intéressant, c'est plate, c'est vraiment plate, mais étant donné qu'Amazon Prime n'est pas disponible au Canada, ça fait que les séries d'Amazon Prime sont souvent achetées par des réseaux de télé, comme Transparent, qui joue à, je crois, Télé-Québec en ce moment, ou RTV, excusez-moi, RTV. La seule donnée qu'il a bien voulu partager et la distribution, comme on l'a dit, donc Woody Allen se mettra en scène aux côtés de la jeune chanteuse Miley Cyrus et d'acteurs qu'il a déjà dirigé au grand écran, Michael Rappaport, qu'on a vu dans Maudit, Aphrodite et Escroc mais pas trop, Becky Ann Baker de Celebrity, Louis Black de Hannah et ses sœurs, Joy Behar de Meurtre mystérieux à Manhattan, Rebecca Scholl de Crime et délit et Elaine May de Escroc mais pas trop, le retrouveront bientôt. Margaret Ladd, qu'on connaît pour la série d'Amazon Mozart in the Jungle, David Harbour de Strictly Criminal, Christine Ebersole du Loup de Wall Street, John Magaro de The Big Short et Rachel Brosnahan de House of Cards complètent cette distribution très éclectique à la moyenne d'âge de 58 ans, nous dit Relax News. Sur les 13 acteurs annoncés, 8 ont passé les 60 printemps et même 3, dont Woody Allen, sont âgés de plus de 80 ans. Un fait extrêmement rare dans une série actuelle qui permet de s'interroger d'autant plus sur l'histoire concoctée par le réalisateur. La série sera dévoilée à la fin de l'année aux abonnés de Amazon Prime, un service de vidéo sur demande du géant américain de la vente en ligne, seulement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Maintenant, on va sur, on reste sur Amazon, en fait, avec un accord entre Amazon et la NFL pour une série exclusive. Amazon va diffuser à compter de cet été une série d'émissions exclusives sur la NFL, le nouveau signe de la diversification continue du géant d'Internet. La série documentaire All or Nothing est produite par NFL Films, filiale de la NFL, reconnue pour la qualité de ses productions, et retrace la saison 2015-16 des Cardinals de l'Arizona en 8 épisodes d'une heure chacun. Les termes du contrat n'ont pas été communiqués, mais NFL Films a indiqué dans un communiqué que les 8 épisodes disponibles cet été sur Amazon constituaient la saison inaugurale, de ce qui laisse penser qu'il y en aura d'autres. Toutes les personnes disposant d'un compte chez Amazon pourront voir All or Nothing, évidemment, aux États-Unis, Grande-Bretagne, et c'est quoi que j'ai dit tantôt? Un autre. Il s'agit d'une population qui va au-delà des seuls abonnés. Ah, tiens! On se reprend. Il s'agit d'une population qui va au-delà des seuls abonnés à Amazon Prime, la formule qui permet d'accéder à un important catalogue de films et de séries moyennant $99 par année. C'est la première fois qu'Amazon s'investit dans le monde du sport à la télé, considéré avec les films et les séries comme l'un des actifs clés du secteur. Selon plusieurs médias, le géant d'Internet négocierait actuellement les droits de retransmission en ligne des matchs de la NFL du jeudi soir, également convoité par Facebook et l'opérateur de télécom Verizon. L'opération est également une première pour la NFL, qui n'a jamais fait mystère de sa volonté de multiplier ses canaux de diffusion. La Ligue de football américaine, est le plus prospère. On va recommencer ça. La Ligue de football américain est la plus prospère au monde et percevra la saison prochaine au titre des droits de diffusion hors Amazon, dont le montant du contrat n'est pas connu, près de $7 milliards. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, avec les codes d'écoute pour la semaine du 29 février au 6 mars. Oui, toujours aussi en retard sur les codes d'écoute, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça se passe dans le domaine. Commençons par le top 15 à 6 en rafale. Dans ma tête, les enfants de la télé, tout le monde en parle. La poule aux œufs d'or, mémoire vive, accès illimité, au secours de Béatrice, vlog et haut. En 6e place. En 5e, les pays d'en haut. 4e, Yamaska. 3e, les beaux malaises. 2e, unité 9. Et en première place, avec 2 623 000, c'est La Voix, bien sûr. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, Murdoch Mysteries, Masterchef Canada, The Amazing Race, Gotham, Quantico, Lucifer, Grey's Anatomy, Blind Spot, CTV Evening News et CSI Cyber. En 5e, The Big Bang Theory, ça a pas mal descendu ça, ça devait être une reprise. En 4e, NCIS New Orleans, en 3e, Survivor, en 2e, Criminal Minds et en première place, avec 2 453 000, on parle de NCIS. Voilà pour Television Television, les liens sont sur assemblagerequis.com. On retourne en chiptune pour aller entendre une pièce de Noyemik. Hein? Voici Kekoa's Lover, MPS, le Mathieu Plombe Show sur CIF. Winning. also an interval. Self is you. Only you are playing hide and seek, since that is the essential game that's going on. It's the game of games, the basis of all games. Game over! So long, Gay Bowser! Yeah, so long, Gay Bowser! Okay. DJ Deadlam avec The One Who Won Before Winning Was Fun. C'est la deuxième partie de la chanson sans fin, The Never Ending Song. Allez voir assemblagerequipe.com pour télécharger tout ça. Et avant la pause, Kikoa's Lover par Neu et Mike. Maintenant, c'est Merci Science! Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Hein, pourquoi pas? Il y a tellement de belles choses qui se passent dans le monde de la science. Commençons avec de la science décalée un peu, du roche-papier-ciseaux. Des chercheurs ont fait jouer les étudiants à roche-papier-ciseaux contre les ordinateurs. D'après eux, les joueurs faisaient des choix irrationnels, notamment après un échec. Et comme la pierre, la roche semble l'objet préféré des joueurs. Pour gagner, ils suggèrent de jouer plus souvent la feuille, donc le papier. Hein? Qui n'a jamais joué enfant à Shifumi, qu'on appelle en France, donc pierre-papier-ciseaux, roche-papier-ciseaux, dépendant des gens. En théorie, il s'agit d'un jeu de hasard, puisque chaque objet a autant de chances de gagner. La roche casse les ciseaux qui coupent la feuille de papier qui enveloppe la roche. Au-delà d'un simple jeu de récréation, les scientifiques y voient un modèle pour comprendre comment les individus prennent des décisions. Dans cette étude, les chercheurs ont recruté 31 étudiants qui ont joué à roche-papier-ciseaux contre un ordinateur avec 225 essais en 3 sessions de 75. Pour chacun, l'ordinateur jouait au hasard l'un des 3 objets, 25 fois chacun. Les participants devaient appuyer sur le bouton de leur choix pour jouer soit la roche, le papier ou les ciseaux. Ils avaient comme consigne d'essayer de gagner. Hein? Les chercheurs se sont intéressés à la stratégie des participants au cours de jeu pour voir comment ils réagissaient à une victoire ou à un échec. Un choix irrationnel face à un ordinateur qui choisit aléatoirement l'un des 3 articles consisterait à jouer au hasard l'un des 3 objets. Mais d'après les chercheurs, les gens faisaient des choix irrationnels à ce jeu. Pourquoi? Ben c'est que les émotions l'emporteraient sur la raison. Les joueurs, s'ils gagnaient, avaient tendance à conserver l'objet gagnant et s'ils perdaient, à en changer. En cas d'échec, les joueurs choisissaient plutôt l'objet contre lequel ils auraient gagné. Par exemple, ils remplaçaient une roche par des ciseaux. Après une égalité, le joueur avait tendance à choisir l'objet qui aurait gagné contre le choix précédent, par exemple en remplaçant la roche par la feuille. Pour Benjamin Dyson de l'Université de Sussex, le principal auteur de l'article paru dans Scientific Reports, il est inquiétant que les gens aient tendance à prendre des décisions plus irrationnelles après avoir perdu. Car, comme il explique dans le Daily Mail, ça pourrait avoir des conséquences plus graves dans des situations risquées où les gens doivent faire des choix importants en économie ou en politique, par exemple. L'étude suggère aussi que pour avoir plus de chances de gagner, il vaut mieux choisir le papier, car les gens ont plutôt tendance à choisir la roche. Dans d'autres travaux, en effet, les participants faisaient ce choix en moyenne dans 36 % des cas. On choisissait la roche 36 % des fois, donc jouer avec la feuille, jouer le papier. Hein? En Nouvelle-Guinée maintenant, la population conserve dans ses chromosomes un peu du génome du mystérieux homme de Denisova. Une nouvelle étude révèle les métissages qui ont eu lieu entre lui et l'homme moderne, mais aussi avec Néandertal. Les humains ont su conserver les gènes qui les arrangeaient. Nos ancêtres se sont hybridés avec l'homme de Néandertal, mais aussi avec l'homme de Denisova, ce cousin vieux de 30 000 ans découvert dans une grotte de Sibérie. Initialement, seul un os avait été découvert, mais le séquençage de l'ADN mitochondrial a été très bavard, et cette espèce humaine est devenue par la suite la première à être mieux connue par l'analyse génétique que par les ossements, ce qui a conduit à d'étonnantes conclusions. Des gènes néandertaliens existent toujours chez les humains actuels, dispersés dans la population. Chacun de nous n'en a que peu ou pas du tout, mais on estime que la moitié du génome néandertalien subsiste chez les hommes actuels, disséminé en morceaux. Quant à Denisova, il a légué des gènes retrouvés aujourd'hui à l'est de l'Asie, en Mélanésie et chez les aborigènes d'Australie. Mais quels gènes et à quoi servent-ils? C'est aujourd'hui la piste que suit l'infatigable Svante Paabo de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, qui avait séquencé l'ADN de Néandertal, celui du noyau et non plus des mitochondries, donc responsable des caractères héréditaires. Puis en 2010, celui de l'homme de Denisova. Dans une publication parue dans Science, lui et son équipe décrivent une étude génétique sur 1523 personnes venues de différentes régions du globe, dont 35 de l'archipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les chercheurs ont comparé ces données à celles obtenues sur le génome de Néandertal et de l'homme de Denisova. L'étude montre que certaines régions des génomes modernes contiennent parfois des gènes anciens, alors que d'autres en sont systématiquement dépourvus. Ces résultats éclairent mais compliquent encore la longue histoire humaine. Selon eux, les gènes néandertaliens se retrouvent en différents endroits du génome. Homo sapiens, donc notre espèce, s'est donc hybridé plusieurs fois, on dit au moins 3, avec Néandertal. En revanche, avec l'homme de Denisova, l'aventure s'est déroulée durant une seule période courte. Les gènes qui subsistent aujourd'hui chez les Mélanésiens, expliquent les auteurs, concernent les fonctions immunitaires. Cet apport génétique aurait aidé les nouveaux habitants de ces îles à résister aux pathogènes locaux. D'autres gènes denisoviens auraient donné aux Tibétains une meilleure adaptation à l'altitude. Moralité de l'histoire, selon les auteurs, la persistance de gènes archaïques dans notre génome, ce qu'on appelle l'introgression, s'explique à la fois par les croisements, donc l'histoire des populations humaines, et par l'utilité de ces gènes pour les humains modernes. Là où ils étaient utiles, ils ont été conservés, ailleurs ils ont été remplacés. L'étude apporte aussi un éclairage supplémentaire sur le mystérieux homme de Denisova, connu par cette phalange d'une enfant accompagnée de quelques dents qui a vécu en Sibérie il y a 30 000 ans. Manifestement, l'espèce avait voyagé sur de grandes distances et semble être hybridée avec d'autres espèces d'Homo sapiens, qu'Homo sapiens. Son histoire est donc aussi compliquée qu'elle est longue. Ensuite, si Alzheimer était dû à un virus, une trentaine de chercheurs et cliniciens signent une tribune pour que soit évaluée sérieusement la possibilité que la maladie d'Alzheimer soit liée à des virus ou à des bactéries. Ils soulignent notamment les preuves troublantes reliant la maladie à l'infection par le virus de l'herpès. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par un déclin cognitif. Dans le cerveau des malades s'observent des dépôts de peptides bêta-amyloïdes qui forment des plaques ainsi que des formes anormales de la protéine tau. Mais ces marqueurs biologiques sont-ils la cause ou la conséquence de la maladie? Et s'ils étaient des indicateurs d'une infection? Dans un éditorial paru dans Journal of Alzheimer's Disease, les chercheurs jettent un pavé dans la mare en suggérant que la piste infectieuse a été trop longtemps ignorée. Parmi les signataires de cette tribune se trouve un chercheur français, Luc Leteneur, auteur de travaux montrant que les maladies d'Alzheimer sont souvent séropositifs vis-à-vis du virus HSV1, le virus de l'herpès. D'après l'OMS, environ les deux tiers des moins de 50 ans sont infectés par le virus HSV1. Les premières observations du virus de l'herpès dans des cerveaux de patients datent d'une trentaine d'années. HSV1 peut endommager le système nerveux central et causer un déclin cognitif. Il s'attaque au système limbique qui joue un rôle dans le contrôle des émotions, mais aussi dans la mémoire. Cependant, la fréquence de cette infection chez les patients d'Alzheimer ne prouve pas qu'elle soit responsable de la maladie. En effet, une autre possibilité est que ce soit la maladie d'Alzheimer qui réveille le virus de l'herpès. Dans leur article, les chercheurs listent différents résultats suggérant le caractère infectieux de la maladie d'Alzheimer. Tout d'abord, les virus et autres micro-organismes sont présents dans le cerveau de la plupart des personnes âgées. Bien qu'ils soient souvent dormants, ils peuvent être réactivés. Ainsi, dans les cerveaux de malades d'Alzheimer, il se trouve souvent de l'ADN d'HSV1. Depuis, le caractère transmissible de la maladie d'Alzheimer a été mis en évidence dans des cas de greffe de dure mère. Ensuite, pour les scientifiques, il y a eu aussi des preuves de causalité entre l'infection et la maladie. Chez les humains, les infections cérébrales comme celle du virus herpès sont associées avec des pathologies qui rappellent la maladie d'Alzheimer. Il existe aussi des signes de maladie d'Alzheimer dans la démence syphilitique causée par un spirochète. De plus, dans des cellules en culture ou des souris, les dépôts amyloïdes et les anomalies de la protéine tau sont observés après une infection par HSV1 ou par des bactéries. Une interaction directe entre la protéine précurseur de l'amyloïde et l'HSV1 a déjà été rapportée. Autre signe troublant, la dysfonction olfactive est un signe précoce de la maladie d'Alzheimer. Or, le nerf olfactif est une porte d'entrée probable du virus HSV1, d'autres virus et de chlamydia pneumonia dans le cerveau. En résumé, les auteurs proposent que des agents infectieux comme le HSV1, la chlamydia pneumoniae, des spirochètes atteignent le système nerveux central où ils restent latents. Ils pourraient être réactivés au cours du vieillissement lorsque le système immunitaire décline et lors d'épisodes de stress. Les dommages neuronaux causés par l'action des virus et l'inflammation induite conduiraient à un dysfonctionnement synaptique, une perte neuronale et finalement la maladie d'Alzheimer. La formation des plaques amyloïdes serait un mécanisme de défense. Différents essais thérapeutiques ont testé des médicaments contre la maladie d'Alzheimer et se sont soldés par des échecs. Les chercheurs suggèrent donc que des antiviraux et des antimicrobiens soient essayés éventuellement. On reste avec l'ADN, détecter des maladies dans une goutte de sang. Un nouveau test sanguin utilisant l'ADN de cellules mourantes permet de détecter le diabète, la sclérose en plaques, le cancer du pancréas et la dégénérescence cérébrale ainsi que d'autres pathologies, selon des expériences cliniques dont les conclusions viennent d'être publiées. En s'appuyant sur la signature génétique spécifique des tissus dont les cellules dépérissent sous l'effet d'une pathologie ou d'un traumatisme, les chercheurs ont effectué une série d'expériences avec 300 000 patients et un groupe de contrôle en utilisant cette technique qui pourrait ouvrir la voie à un nouvel outil diagnostique. Les travaux ont été publiés dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, le PNAS. La mort des cellules est un aspect central de la biologie humaine, soulignent les auteurs de cette étude menée par une équipe internationale. Ce processus peut indiquer les tout premiers stades d'une pathologie comme le développement d'une tumeur cancéreuse ou le début d'une maladie auto-immune ou neurodégénérative comme l'Alzheimer. et peut aussi permettre de déterminer la progression d'une pathologie, le succès d'une thérapie ou ses effets toxiques. Cependant, jusqu'à présent, il n'était pas possible de déterminer à quel organe appartenaient les cellules mourantes sans un examen invasif. Ce nouveau test sanguin peut détecter les tissus spécifiques où les cellules meurent en combinant deux principes biologiques importants. Tout d'abord, les cellules en train de mourir libèrent les fragments d'ADN dans le sang dans lequel ils circulent pendant un court moment. Ce phénomène est connu depuis des décennies, mais dans la mesure où la signature génétique de toutes les cellules de l'organisme est identique, il n'était pas possible de déterminer le tissu d'origine de cet ADN. Le second principe est le fait que l'ADN de chaque type de cellule porte une marque chimique unique appelée méthylation qui est stable dans les tissus sains comme malades. Les travaux donc démontrent qu'il est possible d'identifier de quel tissu dans l'organisme proviennent les fragments d'ADN qui circulent dans le sang. Ça représente une nouvelle méthode pour détecter des cellules mourantes dans des tissus spécifiques, une approche très prometteuse pour diagnostiquer des maladies. À plus long terme, ils envisagent un nouveau test sanguin capable de détecter des dommages dans des tissus, même sans suspecter a priori que des maladies touchent un organe spécifique. Toujours dans Merci Science, on parle d'un vaccin peut-être pour arrêter de fumer un jour. Deux essais cliniques avaient déjà testé des candidats vaccins anti-nicotine, mais ils s'étaient soldés par des échecs. Récemment, Récemment, des chercheurs ont cependant obtenu des résultats encourageants sur ce type de vaccin. La nouvelle formulation réduit et retarde les effets de la nicotine sur le cerveau de la souris. Pour beaucoup de fumeurs, l'arrêt de la cigarette est un vrai parcours du combattant. Les patchs à la nicotine et les gommes à mâcher ne sont pas toujours efficaces et certains fumeurs se tournent vers des médicaments qui ciblent les récepteurs nicotiniques, de l'acétylcholine. Cependant, ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires comme des hallucinations, de la dépression ou des sautes d'humeur. C'est pourquoi l'idée de cibler la molécule de nicotine par un vaccin peut représenter une alternative intéressante. Récemment, deux essais cliniques testant des vaccins ont échoué. Malgré tout, les scientifiques ont tiré des enseignements de ces échecs et détecté des marges de progression. Dans ces essais, les personnes qui produisaient le plus d'anticorps anti-nicotine avaient plus de chances de s'abstenir de fumer pendant plus de 6 mois. D'après les chercheurs, un obstacle majeur dans le développement de la stratégie a été d'obtenir une concentration d'anticorps suffisamment élevée pour freiner la distribution de la nicotine au cerveau. Ils ont donc construit un nouveau vaccin avec pour objectif de stimuler la production d'anticorps dirigés contre la nicotine. La nicotine représente ce qu'on appelle un apten, c'est-à-dire une petite molécule non immunogène ne permettant pas seule d'induire une production d'anticorps. L'objectif de la construction d'un vaccin est justement de faire en sorte que la nicotine provoque une réaction immunitaire. Pour rendre l'apten immunogène, il doit être associé à une autre molécule, une protéine de transport. C'est en travaillant sur l'apten et son transporteur que les chercheurs du Scripps Institute en Californie ont élaboré un nouveau vaccin qui semble fonctionner chez les souris. Ils ont testé une protéine de transport de flagelline mutante avec des propriétés adjuvantes. Un adjuvant a pour rôle de stimuler le système immunitaire. Les tests effectués sur des souris ont montré que le nouveau vaccin retarde les effets de la nicotine pendant les 10 premières minutes suivant l'injection. Il augmente le nombre d'anticorps spécifiques de la nicotine, ce qui repousse ses effets. Les souris qui avaient été traitées avaient aussi moins de nicotine dans leur cerveau, organe sur lequel la nicotine agit. Le vaccin réduit donc l'effet de la nicotine sur le cerveau. Les chercheurs essaient désormais d'améliorer la formulation du vaccin afin qu'il puisse être utilisable pour un futur essai clinique. Cette recherche paraît dans la revue Journal of Medicinal Chemistry. La machine à décuire les œufs. Avez-vous déjà entendu parler de ça, premièrement, et deuxièmement, on sait qu'elle sert maintenant à quelque chose. En septembre dernier, ses travaux lui avaient valu le prix Ig Nobel de chimie, qui récompense les inventions insolites. Maintenant, c'est Colin Raston et son équipe de l'université Flinders en Australie qui tiennent leur revanche. Grâce à leur machine à décuire les œufs, ils ont réussi à découper des nanotubes de carbone avec une grande précision, de quoi accélérer leur usage dans diverses applications. Chaque année, en septembre, les prix Ig Nobel viennent récompenser les études scientifiques jugées par les plus farfelues du moment. En 2015, le prix Ig Nobel de chimie avait été attribué à Colin Raston, professeur à l'université Flinders en Australie, pour sa machine à décuire les œufs durs, plus sérieusement appelée le Vortex Fluidic Device. L'équipe du professeur a toujours maintenu que ses résultats cachaient une percée scientifique de premier ordre. La preuve aujourd'hui, puisque le VFD a pu servir à découper des nanotubes de carbone à des longueurs précisément définies. Rappelons que les nanotubes de carbone ont été découverts il y a maintenant plus de 60 ans. C'est pourtant que dans les années 90 que les scientifiques ont réellement commencé à s'intéresser à ces structures étonnantes. Les nanotubes de carbone sont en effet quelques 200 fois plus résistants que l'acier et ils conduisent l'électricité 5 fois mieux que le cuivre, tout en étant plus légers que l'aluminium. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas si simples à manipuler et à mettre en œuvre. Ils sont un peu comme des spaghettis qu'il faut cuire à l'ente, dit-il. Si on ne prend pas de précautions, les nanotubes collent les uns aux autres et à tout ce qui se trouve dans leur environnement. Ils deviennent alors très difficiles à démêler. Pour préparer et couper leurs nanotubes de carbone, les scientifiques utilisent pour l'instant des méthodes assez complexes, onéreuses et qui font intervenir des produits chimiques dangereux. Par ailleurs, ils restent incapables de maîtriser les longueurs de découpe. Avec l'aide du VFD, donc ça c'est le susmentionné Vortex Fluidic Device, d'un peu d'eau, de solvant et d'un faisceau laser, l'équipe du professeur est parvenue en quelques minutes seulement à découper des morceaux de nanotubes de carbone dont la longueur tournait autour des 170 nanomètres. La véritable avantage de la technologie, c'est qu'elle permet d'uniformiser les découpes. S'ils réussissent à découper des nanotubes de carbone de 100 nanomètres de longueur, ce sera parfait pour des applications médicales. En effet, il s'agit de la longueur idéale pour pénétrer les tumeurs et cibler directement les cellules cancéreuses. Cependant, la médecine est loin d'être la seule application envisagée par l'équipe de l'Université Flinders. Une telle précision en matière de découpe de nanotubes de carbone pourrait être également profitée, par exemple, à l'industrie de l'énergie solaire. Les nanotubes de carbone sont en effet plus légers, plus flexibles et meilleur marché que les matériaux traditionnellement employés dans les cellules solaires. Si on peut ajouter des nanotubes de carbone précisément découpés au processus de fabrication des photos, des cellules photovoltaïques, cela en améliorera l'efficacité, assurent les professeurs de l'équipe. En offrant aux électrons des voies de transport plus courtes, les chercheurs espèrent en effet fait que ces nanotubes de carbone permettront d'améliorer la conversion photoélectrique des cellules. Et finalement, avoir un petit frère ou une petite sœur serait bon pour la santé. Les enfants qui ont un petit frère ou une petite sœur pas trop âgés ont moins de risques de devenir obèses à 6 ans. L'effet est mal expliqué, mais vient d'être repéré chez les enfants aux États-Unis. Comment prévenir l'obésité infantile, donc? Et pourquoi pas en faisant un petit frère ou une petite sœur? C'est ce que suggère une étude de l'Université du Michigan qui a trouvé que les enfants dont la famille s'est agrandie lorsqu'ils avaient entre 2 et 4 enfants avaient moins de risques d'être obèses. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé l'effet de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur sur l'indice de masse corporelle pendant les 6 premières années de la vie d'un enfant. 697 enfants ont été recrutés dans 10 sites des États-Unis au moment de leur naissance. Les mesures anthropométriques des enfants ont été révélées à 15 mois. Voyons, j'ai de la misère. On recommence. Les mesures anthropométriques des enfants ont été relevées à 15 mois, 24 mois, 36 mois, 54 mois et à leur entrée au primaire. Résultat, les enfants qui ont eu un frère ou une sœur entre 2 et 3 ans ou entre 3 ans et 4 ans et demi avaient un IMC significativement plus faible à leur entrée au primaire. Les enfants qui n'avaient pas eu de petit frère ou de petite sœur étaient 2,94 fois plus touchés par l'obésité à leur entrée au primaire par rapport à ceux qui ont eu un petit frère ou une petite sœur entre 36 et 54 mois. Ces résultats paraissent dans la revue Pediatrics d'avril 2016. La recherche suggère qu'avoir des frères et sœurs plus jeunes par rapport à ne pas en avoir du tout ou en avoir de plus âgés est associé à un risque moindre d'être en surpoids. Cependant, on a très peu d'informations sur la façon dont la naissance d'un frère ou d'une sœur peut modifier le risque d'obésité pendant l'enfance. Une explication possible selon les auteurs est que les parents peuvent changer la façon dont ils nourrissent leurs enfants une fois qu'un nouveau-né arrive à la maison. Les enfants commencent à adopter des habitudes alimentaires vers 3 ans et des changements à cet âge-là peuvent avoir un impact. De plus, les enfants pourraient être plus actifs et passer moins de temps sédentaires devant des écrans lorsqu'un bébé arrive dans la famille, ce qui contribuerait à un IMC plus favorable à la santé. Ce qui a bien du sens. Je veux juste vérifier une petite information pendant que j'y suis pour pas avoir dit n'importe quoi. Dans l'article, on parle du CP. C'est les cours préparatoires. J'ai parlé du primaire et c'est la première classe de l'école élémentaire française. Donc oui, j'avais raison, le CP, c'est bien le primaire. Voilà pour le bloc Merci Science. Au retour, ce sera CLX, la chronique sur les choses geeks. Mais avant ça, on écoute en musique chiptune une pièce de DJ Dead Lama. Voici High Score Breaking the Game. MPS, le Mathieu Plancho. It's a game. We're specifically tailored for each participant. One day your game begins. You either love it or hate it. One, two, three. Three. Our strength is eternal. You win scores, man. Hunt, That game is on! Who I really am. DJ Dead Llama. Draw aside the veil. Realize all. What's up? Llama. I am. When all is said and done, I am myself. Perfection. Or not. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. c'était Dead from a Billy. Un début de l'émission. Avec la pièce The Look, oui, on entend souvent Dead from a Billy, mais j'aime ça. Avant la pause, parlant d'un habitué, un nouvel habitué en fait, parce qu'on l'a entendu un petit peu plus tard dans l'émission aussi, c'était DJ Dead Lama. Vous avez remarqué son style avec des effets sonores, des quotes, des citations de personnages de jeux vidéo. Donc c'est le même qu'on a entendu en première demi-heure, cette fois-ci avec la pièce High Score Breaking the Game, mon Mathieu Plancho. Maintenant, c'est le segment geek, c'est Elix. C'est Elix, c'est la chronique technologie, c'est la chronique jeux vidéo, c'est la chronique informatique et on commence avec des nouvelles du futur, comme toujours avec l'Hyperloop qui aura des fenêtres virtuelles. Hyperloop Transportation Technologies, l'une des deux sociétés nord-américaines engagées dans le projet de train subsonique, a l'intention d'installer des écrans en guise de fenêtres. Il pourrait diffuser des contenus personnalisés pour les voyageurs. Par ailleurs, la société compte implanter une ligne Hyperloop en Europe reliant la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie. En mars, Hyperloop Transportation Technologies, HTT, une société en pointe sur le projet de Hyperloop promu par Elon Musk, le gars de chez Tesla, a conclu un accord avec la Slovaquie pour étudier la faisabilité d'une ligne de train subsonique en Europe centrale. Précisant ses projets, HTT promet désormais des fenêtres à bord de son train tubulaire. Les plus claustrophobes d'entre nous se rassureront de ne pas devoir être enfermés dans un tube à une vitesse dépassant celui du TGV et de loin, à condition d'avoir le cœur bien accroché. En effet, d'un point de vue scientifique, l'engin risque d'aller beaucoup trop vite, à plus de 900 km/h, pour que nos yeux puissent suivre tranquillement les paysages filant à la vitesse de l'Hyperloop. Et les fleurs au bord des rails vont probablement être tristement invisibles à l'œil nu. Mais durant le South by Southwest, la société a annoncé travailler sur des fenêtres augmentées pour son moyen de transport futuriste, ni plus ni moins que des écrans pour les remplacer. Pour le voyageur, le trajet se fera dans un univers familier qu'il pourra sans doute personnaliser via son téléphone intelligent, avec l'essentiel des données à disposition pour le voyage, comme la vitesse de déplacement dans le tube, l'heure d'arrivée et la température. Déjà, nous attendons encore que HTT ou son concurrent fassent ses preuves dans la construction des prototypes qui restent pour le moment à l'état virtuel. Et ensuite, l'inauguration de telles fenêtres dans les Hyperloop nous laisse songeurs sur ce type de trompe-l'œil pour voyageurs pressés. De notre côté, on restera un brin nostalgique de la beauté bientôt préhistorique de contempler le défilement d'un paysage étiré à l'infini, nous dit Futura Science. Une nostalgie peu partagée par le chef de projet chez Hyperloop Transportation Technologies, Dirk Halborn, qui a commenté le concept à CNET en disant, et je cite, « Notre but, c'est rendre le voyage moins pénible et c'est sur quoi nous travaillons au-delà de propulser une capsule dans un tube. » Voilà. Ensuite, une patrouille de pigeons connectés mesure la pollution à Londres. Donc une espadrille de pigeons, c'est un peu bizarre. Sillonnent la ville afin de surveiller la qualité de l'air. Ils sont équipés de capteurs miniatures qui mesurent les niveaux d'ozone et de dioxyde d'azote. Les riverains peuvent être tenus informés en temps réel en envoyant leur position via Twitter. Derrière cet habile coup de communication se trouve la jeune pousse française Plume Labs. Elle propose une application gratuite qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir une sorte de météo de la pollution. Après les aigles chasseurs de drones, voici les pigeons qui surveillent la qualité de l'air. Donc à Londres, une Pigeon Air Patrol composée de 10 oiseaux survole la capitale. Sur leur dos, un petit sac contient un capteur de pollution qui mesure l'ozone, les composés organiques volatiles, de dioxyde d'azote ainsi qu'un GPS pour cartographier ses relevés. Les riverains peuvent donc se renseigner en temps réel sur la qualité de l'air à l'endroit où ils se trouvent en envoyant le nom de leur quartier à l'adresse Twitter @PigeonAir. Le choix de Londres pour cette expérimentation ne doit rien au hasard. Selon une étude réalisée l'année dernière par le King's College, environ 9500 personnes meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique dans la capitale britannique. De plus, ça fait 5 ans que le Royaume-Uni dépasse les normes européennes en matière d'émissions de dioxyde d'azote. Et le pays ne prévoit pas de les respecter avant 2025, alors que l'Union européenne avait fixé comme date butoir 2010. En 2014, l'Union européenne a engagé des poursuites contre le Royaume-Uni pour manquement à l'obligation de réduire le niveau excessif de dioxyde d'azote. D'autres pays membres sont dans le même cas et l'Agence européenne pour l'environnement a ouvert plusieurs enquêtes pilotes, notamment en France, au Danemark et en Suède. La campagne Pigeon Air Patrol ne durera que jusqu'à la fin de la semaine, on s'est déjà passé. C'est avant tout un joli coup de communication monté par l'agence de marketing Digitus LBI, voilà. Twitter au Royaume-Uni et la jeune pousse française Plume Labs. C'est cette dernière qui a fourni les capteurs qui équipent les pigeons. Futura Science est déjà intéressé aux travaux de cette entreprise qui a développé l'application Plume Air Report pour smartphone Android et iOS. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Ça s'appuie sur les données publiques des réseaux de surveillance de l'air installés dans 300 villes à travers le monde. Voilà. Ensuite, une application pour tester les humeurs des étudiants universitaires. J'en parlais en entrée de jeu à l'émission aujourd'hui. Donc, les étudiants de 9 universités de l'Atlantique mesurent leur humeur en mars. Du 15 au 25 mars, ils vont utiliser l'application Mood Check 2 fois par jour à des moments différents. Question de voir comment ils se sentent en général. C'est leur téléphone intelligent qui va leur rappeler de mesurer leur humeur, le genre d'activité qu'ils font à ce moment-là et les personnes qui les accompagnent. L'objectif est de motiver les étudiants à être conscients des choses qui les affectent et comment ils se sentent. L'application permet une prise de conscience qui devient un indicateur de la façon d'améliorer la santé mentale et le bien-être des participants. Le défi est de procurer aux étudiants des outils qui vont leur permettre de gérer leurs émotions et leur bien-être. Les étudiants vont amasser des points chaque fois qu'ils consultent l'application. Ils auront droit à des points bonus en utilisant l'application davantage. À la fin du défi, l'université qui aura accumulé le plus de points recevra 1 500 $ qui pourrait servir à toute activité, à toute initiative, liée au bien-être mental. Les universités participantes sont Acadia, Dalhousie Memorial, Mount Allison, Mount St. Vincent, St. Thomas, King's College, l'Université du Nouveau-Brunswick et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Le défi Mood Check a été lancé par un groupe de travail en santé mentale de l'Association des universités de l'Atlantique, co-présidé par le Dr. Cornish et d'autres représentants des universités sélectionnées. L'application fait partie d'un programme nommé WellTrack, créé par un professeur en psychologie de l'Université du Nouveau-Brunswick. Le programme fournit aux étudiants des outils et des ressources en ligne pour les aider à gérer le stress, l'anxiété, la dépression et certaines phobies. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, des lunettes du futur qui veulent en finir avec les verres progressifs. Si vous avez des lunettes... En fait, on a déjà parlé de ça dans une chronique. Ça existe, ça devrait pas là à assemblage requis, mais on a plus de détails, donc j'en parle au Mathieu Plancho, juste pour vous. Si vous avez des lunettes, vous savez certainement à quel point les verres progressifs sont utiles, mais aussi ennuyeux. Ils obligent à regarder par le haut ou vers le bas des lunettes en fonction de ce qu'on veut voir net, donc un livre à quelques centimètres du nez ou un panneau à plusieurs mètres de distance. Une start-up israélienne entend bien mettre fin à ce calvaire. Deep Optics travaille sur des lunettes intelligentes qui disposent d'une sorte d'autofocus qui suit les mouvements de vos yeux, selon le MIT Technology Review. Comment ça fonctionne? Grâce à un cristal liquide à l'intérieur du verre des lunettes qui va changer son indice de réfraction, donc la manière dont la lumière est déformée par le verre, pour s'adapter à ce que la personne regarde en temps réel. Pour savoir à quelle distance se trouve l'objet fixé, la lunette dispose de capteurs qui analysent l'écart entre les deux pupilles. Cet écart est proportionnel à la distance de l'objet. Regardez la petite vidéo sur assemblagerequis.com pour présenter le concept. Selon la société, avec cette technologie, une personne ayant plusieurs problèmes de vue, par exemple presbytie et myopie, pourrait voir aussi bien de loin ou de près avec ses lunettes sans avoir à baisser ou lever la tête. Deep Optics travaille sur son système depuis 3 ans et vient de lever 4 millions de dollars américains pour produire un prototype de lunettes. Et parmi les investisseurs, on retrouve le fabricant de verres français Essilor. Quelle adorable idée tout ça! Voilà. Oui, hey, c'est nouveau les pop-up qui me disent « Hey, enlevez donc votre adblock sur ce site-là ». Donc, une basket, maintenant une paire de souliers connectés capables de recharger un smartphone chez Vibram. Vibram, l'équipementier italien qui s'est fait connaître avec ses chaussures de Running Five Fingers. Ça, c'est les souliers qui ressemblent à des bas avec des doigts. Là. A dévoilé un prototype de souliers capable de convertir l'énergie du sportif. La technologie à l'œuvre dans cette chaussure a été développée exclusivement par Vibram en partenariat avec l'Italian Institute of Technology, le centre de micro-biorobotique de Pontedera en Italie et l'entreprise américaine Instep Nanopower spécialisée dans la nanotechnologie et les énergies renouvelables. Ils sont parvenus à développer un modèle capable de stocker et de convertir la puissance produite par les mouvements, dans ce cas-là les pas, pour les réutiliser à des fins de chargement. Cette paire de souliers donc intègre un système dans sa semelle qui convertit l'énergie pour faire fonctionner un appareil électronique interne. Par exemple, une marche à une cadence standard génère en moyenne une puissance d'un watt. 8 heures de marche sont ainsi nécessaires pour recharger votre smartphone et éviter qu'il n'ait plus de batterie au terme de votre promenade. La puissance générée dépend aussi du poids de l'utilisateur, de sa cadence et du poids qu'il transporte. Les marcheurs les plus rapides génèrent ainsi plus d'énergie. La recharge des appareils s'effectue via un port mini-USB situé sur la paire de souliers. Il faut donc s'arrêter et enlever peut-être la chaussure pour recharger en partie le smartphone. La semelle s'avère particulièrement épaisse, mais ce n'est qu'un prototype, il faut le rappeler. Le système auto-alimente aussi une puce électronique reliée en Bluetooth à une application Android dédiée. Cette dernière permet à l'utilisateur de connaître son nombre de pas, la température de ses pieds et sa géolocalisation, ainsi que l'état de recharge des batteries de ses appareils connectés. Mais Vibram pense aussi que les capacités de recharge de sa paire de souliers pourront être encore plus utiles. Cette réserve d'énergie alliée aux capacités continues de géolocalisation du système pourrait aider les équipes d'urgence, comme les pompiers, à intervenir plus rapidement. À terme, ce système devrait aussi utiliser l'énergie stockée pour produire de la chaleur, un avantage de taille pour les sportifs de l'extrême dans les climats très froids. Vibram avait présenté sa toute première chaussure connectée en 2015. L'équipementier s'était à l'époque associé au fabricant chinois Lenovo pour concevoir une paire de souliers dotée d'un système de navigation application GPS qui enregistrait les données des utilisateurs pour communiquer avec les appareils de Lenovo. Bentley imagine un concept de majordome holographique pour voiture autonome. Bentley donc imagine l'intérieur de la voiture autonome de demain. Le constructeur automobile y voit l'occasion de disposer d'un majordome qui prendrait la forme d'un hologramme. Deux banquettes face à face, une table, des portes coulissantes et un hologramme au service des passagers. Telle est la vision qu'a Bentley de la voiture autonome du futur. Tellement autonome qu'il n'y aura plus besoin de se trouver une place, de se retrouver à la place du conducteur pour éventuellement reprendre la main sur le pilote automatique. On doit ce concept au designer en chef de chez Bentley qui a dévoilé sa vision à l'occasion d'une conférence donnée à Londres. Je cite, nous avons eu l'équivalent de la voiture autonome ces 100 dernières années du point de vue du passager du siège arrière disposant d'un chauffeur. Le mode de vie va changer de manière spectaculaire au cours des 20 prochaines années. Les trois quarts de la population mondiale vivront dans des mégalopoles. Je suis plutôt convaincu que tout le monde sera assis dans les transports publics, mais il y aura toujours de la demande pour des moyens de transport privés, en particulier pour les riches clients. Peut-être que ces derniers seront membres d'un club de transport rapide et que de nombreux modes de transport autonomes vont se développer. Nous jouons sur cette corde-là. Fin de la citation. Il faudra probablement encore de très nombreuses années avant de disposer d'un véhicule totalement autonome doté d'un majordome holographique, mais la vision de Bentley donne une idée de ce que pourrait être le futur d'automobile de luxe dans quelques décennies. Parlant de route, la Twizy de Renault débarque sur les routes canadiennes. Une petite voiture électrique risque de faire tourner bien les têtes dans les prochains mois sur les routes du pays. Le modèle Twizy 40 de Renault a été homologué par Transport Canada, nous dit Radio-Canada. Les processus d'autorisation provinciaux sont en cours afin de permettre aux quadricycles 100% électriques de circuler librement dans les prochains mois. Azura Canada, qui distribuera ses véhicules du constructeur français, entend par ailleurs annoncer un investissement important le 15 avril prochain. Intel veut que ses puces puissent toujours nous écouter. Intel va ajouter à ses processeurs une technologie leur permettant d'être en permanence à l'écoute d'une commande vocale. L'objectif est de faciliter la présence de fonctions main libre dans les smartphones, les tablettes, mais aussi les ordinateurs. Pour ce faire, le fondeur s'est associé avec l'entreprise californienne Sensory qui va lui fournir ce savoir-faire. Les interfaces utilisateurs naturelles sont de plus en plus présentes au sein de nos appareils. Ça ne veut pas dire que les gens s'en servent plus, mais elles sont là quand même. La reconnaissance vocale des assistants virtuels a fait assez de progrès pour dépasser le stade du gadget et nous assister au quotidien, surtout quand on a les mains prises comme en voiture ou à la cuisine. Amazon pousse l'idée avec son Echo, bien sûr, qui permet par exemple de commander une pizza ou un Uber et de contrôler les objets connectés de la maison avec une simple commande vocale. Seul bémol, pour être activé à la voix, ces assistants ont besoin d'écouter en permanence, sans parler des préoccupations relatives à la vie privée. Les commandes comme Hey Siri, OK Google et autres peuvent être des gouffres pour la batterie des téléphones. Toutefois, sur les modèles récents comme l'iPhone 6S, les systèmes on chip ont fait de bons progrès pour intégrer cette fonctionnalité nativement sans trop consommer d'énergie. Intel voudrait donc que les ordinateurs portables puissent eux aussi profiter de fonctions d'écoute permanente Always On à faible communication. Pour cela, le fondeur s'est associé à la société Sensory qui développe une solution de SoC appelée, ça c'est System on Chip, là, Truly Hands Free, donc réellement main libre. La technologie propriétaire mise au point par Sensory propose d'effectuer une reconnaissance vocale par mots-clés d'activation tout en épargnant la batterie de nos machines. D'après le PDG, la reconnaissance fonctionnerait même dans des environnements bruyants. Concrètement, les constructeurs pourront proposer des fonctions de reconnaissance vocale Always On puisqu'elles seront intégrées sur les derniers SoC d'Intel, Skylake, Annandale, Broxton, Broadwell et Merrifield. Les ordinateurs portables sous Windows et Chrome OS intègrent déjà des assistants vocaux virtuels activables par la voix, bien que l'option soit désactivée par défaut. Ceux-ci devraient donc à l'avenir disposer d'une meilleure autonomie une fois l'option activée. Mais cette nouvelle coïncide surtout avec des rumeurs récentes qui suspectent qu'Apple prévoit d'intégrer Siri dans la prochaine mouture d'OS 10, donc sur ses portables. Il se pourrait donc que les prochains modèles d'ordinateurs Apple équipés de dernières puces Intel et de Mac OS 10 10.12 Fuji disposent d'une option pour activer Siri par la voix. Mac OS 10 10.2 Fuji, est-ce que ça a été annoncé ça? Pas sûr! Je me le demande parce qu'il me semble que j'aurais vu passer ça, cette nouvelle. À moins que ça soit sorti aujourd'hui. En tout cas, on verra. C'est pas super important de toute façon. L'ordinateur quantique sauvé par les fermions de Majorana. Qu'est-ce que ça veut dire, des fermions de Majorana? Le phénomène de la décohérence, c'est-à-dire la transition du comportement quantique au comportement classique, rend de nombreux physiciens plutôt pessimistes quant à l'avenir des ordinateurs quantiques. Toutefois, cet obstacle, est peut-être contournable en utilisant des fermions de Majorana, de nouvelles particules quantiques qui apparaissent dans certains solides. Ettore Majorana est un personnage devenu légendaire au cours des ans. Physicien de génie que son ami et collègue Enrico Fermi tenait potentiellement pour l'égal d'un Newton ou d'un Galilée. Il a mystérieusement disparu en 1938, juste après avoir laissé une théorie générale des particules quantiques douée de spin demi-entier, généralisant la théorie des électrons de Dirac. Il a aussi construit une alternative à cette théorie avec des coussins et des fermions de Dirac, qu'on appelle les fermions de Majorana. Bon, donc expliquons un peu, ces fermions pourraient exister aussi bien sous forme de particules fondamentales, par exemple des neutrinos, que sous forme de quasi-particules dans les solides. Ces dernières ne seraient pas fondamentales, mais plutôt des cousines de particules quantiques, comme les phonons. On a cherché et finalement trouvé, il y a quelques années, ces fermions dans des nanophiles en antimonure d'indium. La découverte a fasciné parce qu'elle ouvrait la porte à la réalisation de ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques topologiques, des variantes des ordinateurs quantiques dont parle Claude Aslangul dans une vidéo sur assemblagerequis.com. Donc avec un ordinateur classique, le temps nécessaire pour trouver une clé de cryptage qui assure le secret des transactions bancaires, donc le chiffrement RSA, croît exponentiellement avec la taille de la clé, c'est-à-dire le nombre de chiffres qu'elle comporte. Avec un ordinateur quantique, ce temps augmente seulement comme une puissance de la taille. Un décryptage est donc possible bien plus rapidement. Plus généralement, que ce soit dans le cas de décomposition de grands nombres en produits de facteurs premiers, de la recherche d'informations dans une base de données ou pour simuler les systèmes quantiques, les ordinateurs quantiques sont en théorie, au moins dans certains cas, supérieurs aux classiques. Malheureusement, comme le rappelle Claude Aslangul, pour les battre, les ordinateurs quantiques de puissance suffisante se doivent d'échapper au phénomène de la décohérence qui se manifeste notamment avec le paradoxe du chat de Schrödinger. Des fermions de Majorana dans des structures en 2D à l'intérieur de solides se comporteraient comme des nouvelles particules inédites appelées des anions. Ce ne sont ni vraiment des fermions comme les quarks et les électrons, ni vraiment des bosons comme les photons. Des lois topologiques rendraient la superposition quantique des états avec des qubits, les analogues quantiques des bits d'information classique, portés par ces anions bien plus résistantes à la décohérence. De telles lois topologiques stabilisant des configurations sont déjà connues pour les solitons classiques, mais aussi quantiques, qu'on appelle les skirmions. Mais qu'en est-il en réalité? Les qubits portés par les fermions de Majorana sont-ils effectivement moins sensibles à la décohérence que, par exemple, ceux portés par des noyaux d'atomes? C'est précisément ce que l'équipe de chercheurs de l'Institut Niels Bohr au Danemark a tenté de savoir. Comme elle l'explique dans un article déposé sur Arxiv, les physiciens ont utilisé cette fois-ci des nanophiles en arsénure d'indium, un semi-conducteur. Ces filaments ont été recouverts d'aluminium qui devient supraconducteur à très basse température. Fortement refroidis, ils ont été connectés à des électrodes en or et soumis à une différence de potentiel. Une chaîne d'électrons en état d'intrication quantique mutuelle se forme alors dans le nanophile entre les deux électrodes. Ce sont les électrons aux deux extrémités de ces chaînes qui se comportent comme un seul fermion de Majorana. La théorie prédit que si ces électrons qui sont intriqués résistent particulièrement bien à la décohérence, l'ajout d'un électron dans un nanophile doit nécessiter une énergie qui décroît exponentiellement avec la longueur du nanophile. C'est ce qui a été constaté avec divers filaments dont les longueurs variaient de 330 nanomètres à 1,5 micromètres. Le phénomène de protection contre l'effet de la décohérence est donc bien là, comme on s'y attendait. Reste encore à prouver qu'il opère aussi avec l'efficacité désirée lorsqu'on utilise bien plus, plusieurs fermions de Majorana portant des qubits. Je sais que c'est super compliqué. Moi-même, je trouve compliqué cet article-là. Il y a des liens avec les définitions de chaque mot. Ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. C'est un petit peu trop long de commencer à lire la définition de chaque mot pendant l'article. On passe à un autre sujet un petit peu plus simple, vos tweets qui sont repérés par un algorithme si vous êtes sous quand vous les écrivez. Aux États-Unis, les universitaires ont mis au point un algorithme d'apprentissage automatique capable de lire dans les messages Twitter pour savoir si des personnes ont consommé de l'alcool, mais aussi où et quand elles ont bu. Wow, des big data, comme on appelle, qui pourraient être exploités par les municipalités ou des services de santé publique pour mettre en place des politiques préventives pour lutter contre l'alcoolémie. Montre-moi tes tweets et je te dirai si tu as bu. Dans une étude scientifique parue sur Arxiv, une équipe de chercheurs de l'Université de Rochester dans l'État de New York aux États-Unis explique comment elle a entraîné un algorithme d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, à identifier des messages postés sur Twitter par des personnes ayant consommé de l'alcool. Plus troublant encore, le programme parvient même à déterminer si elles boivent chez elles ou à l'extérieur. Pour parvenir à ce résultat, les spécialistes ont commencé par collecter des messages Twitter publics géolocalisés émis entre janvier et juillet 2014 dans la ville de New York et le comté de Monroe. Ils ont appliqué une première série de filtres en ne retenant que les tweets contenant les mots-clés « alcool », fête, bière, sous, bourré, etc. Puis les chercheurs ont fait appel à la plateforme de crowdsourcing Amazon Mechanical Turk. Ça, c'est où tu peux travailler pour des cents à l'heure, là, comme un esclave, qui rémunère à des internautes. Mais tu sais, ça fait de l'argent. Ça arrondit vos fins de mois, si vous n'avez pas d'argent. Ça ne marche pas au Canada, j'ai déjà essayé. Qui rémunère des internautes pour pratiquer des travaux d'analyse de données. Chaque tweet a été étudié par trois personnes qui devaient dire si, selon elles, le message faisait bien référence à l'alcool, si l'auteur était le consommateur, et si oui, est-ce qu'il était en train de boire au moment où il envoyait ce tweet. De ce processus est sortie une base de données de 11 000 messages qui ont servi à entraîner l'algorithme à repérer des tweets liés à l'alcool. Cependant, l'équipe de Rochester est allée plus loin en cherchant comment elle pourrait exploiter ces données pour savoir où se trouvaient les personnes et à quel moment elles étaient en train de boire. Une nouvelle liste de mots-clés contenant des termes tels que maison, enfer entré, canapé, TV, douche, bain a permis de resserrer les résultats. L'algorithme a ensuite recoupé ces informations avec d'autres indicateurs comme la géolocalisation du dernier message de la journée envoyé par une personne, le pourcentage de tweets émanant d'une zone géographique précise. Résultat, les chercheurs assurent qu'ils peuvent déterminer le lieu de résidence d'une personne à 100 mètres près avec une fiabilité de 80%. Ils ont également réussi à corréler la densité de tweets envoyés sous l'emprise de l'alcool avec la densité des points de vente d'alcool comme des bars, restaurants, revendeurs. L'intérêt de cette technique est qu'elle est rapide et peu onéreuse, évidemment parce qu'ils payent le monde des pinottes, comparé aux méthodes de sondage de terrain qui sont habituellement employées. Surtout, le fait de travailler avec de l'apprentissage machine ouvre la possibilité de faire un tel suivi en temps réel. Et on peut imaginer qu'il soit possible de faire évoluer l'échelle de l'algorithme afin qu'il puisse travailler sur des zones géographiques plus larges. Selon les auteurs, cette méthode pourrait avoir un impact significatif sur la compréhension et la manière de répondre aux questions de santé publique liées à l'alcool et aux problématiques qui en découlent. Ce type d'information pourrait être croisé avec d'autres données socio-économiques qui permettraient de contextualiser plus finement la consommation d'alcool afin d'apporter des mesures préventives mieux ciblées. Les chercheurs indiquent par ailleurs que leur outil d'apprentissage automatique peut s'appliquer à d'autres comportements et états latents. Allons-y avec... je vais essayer d'en choisir quelques dernières nouvelles... j'en sens plusieurs là, que je vous laisse aller voir sur assemblagerequis.com. Il y avait entre autres Western Digital qui lançait un lecteur disque dur, un Pi Drive de 314 gigs pour la journée de Pi récemment sur les Raspberry Pi. Il y a aussi Warcraft 3 et Diablo 2. Les deux jeux ont été patchés 15 ans après leur sortie. La nouvelle est sur assemblagerequis.com. Il y a une comédie musicale pour le Japon qui s'en vient pour le jeu Resident Evil. Et finalement, je vais lire celui-là. La PlayStation de 1994 a été remise en vente par Leki. Après les Game Boy original et Game Boy Pocket, la Super Nintendo ou encore la Nintendo 64, Leki remet en vente la première PlayStation. Le spécialiste du recyclage Leki accueille une nouvelle référence, la PlayStation première du nom. C'est la première console de Sony Computer Entertainment lancée en 1994 puis écoulée à 120 millions d'exemplaires. Elle n'est malheureusement pas proposée en version originale, mais en version Technicolor personnalisée. Il s'agit donc d'une PlayStation 1 achetée d'occasion, reconditionnée, repeinte en bleu et blanc ou en jaune et blanc, vraisemblablement pour couvrir les marques d'usure. Elle est livrée avec une manette de jeu, le cordon d'alimentation, le câble AV ainsi qu'un jeu, le premier Tomb Raider. L'équipe vend cette PlayStation 1 à la coquette somme de 140 €. Quand même, 140 € en dollars canadiens, tout le monde sait évidemment parce qu'on a juste une formule mathématique à faire dans notre tête là. 206,81,55,13. Je suis quand même précis dans mes calculs mentaux, faut le dire. Un tarif très élevé puisque des consoles en bon état se négocient quand même pas mal plus que ça sur eBay ou sur d'autres sites de vente en ligne. Voilà pour les nouvelles de Cenix. Maintenant, le top des jeux les plus loués en club vidéo. En 10e place, Crime, on recule pas mal loin pour Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Wii U. En 9e, Super Mario All-Stars sur la Wii. Oui. En 8e, Far Cry Primal sur Xbox One. En 7e, Legend of Zelda Twilight Princess The HD Collection sur la Wii U. En 6e, Far Cry Primal sur la PS4. En 5e, EA Sports UFC 2 sur Xbox One. En 4e, Pokken Tournament sur Wii U. En 3e, EA Sports UFC 2 sur PS4. En 2e, Tom Clancy's The Division sur Xbox One. Et en 1ère, c'est encore une fois Tom Clancy's The Division sur PS4. Voilà, liés sur assemblagerequis.com. Est-ce que je l'ai dit? Je pense que oui. Nous voilà arrivés à une prochaine pause. On s'en va entendre du chiptune, comme toujours. Voici Digit X et la pièce Life Break. Juste après ça, ce sera de Gamer à un autre avec Samuel Girard au 89 FM6. Bonjour Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante et maintenant je suis en compagnie de notre collaborateur habituel, celui qui est là chaque deux semaines. On est tellement chanceux de l'avoir, c'est Samuel Girard, voici The Gamer à un autre. Mexican runners, impossible quest. Hey! C'est donc bien épique tout ça! C'est épique, hein! Waouh, vous allez saigner des doigts tellement ça va être bon, c'est ça que ça dit. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et veux-tu savoir qui a fait cette chanson-là? Je sais pas, est-ce que c'est la même personne qui a fait une intro pour un dessin animé, quelque chose du genre? Non, c'est le gars qui fait le défi. Ah, ben il est donc bien bon, pour vrai, ça sonne vraiment comme un Pokémon ou n'importe quoi de même. Mais le gars, c'est ça qu'il fait, je vais en parler un peu plus tard. J'ai très hâte. Tu parles de Nesmania. Nesmania. Donc, en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Mathieu, de jouer à des jeux vidéo et de te dire dans ta tête à un moment donné, « Hey, faudrait que j'essaie de faire tous les jeux de NES qui existent. » Ben, je me suis peut-être dit tous les jeux de Mario, mettons, mais non, sûrement pas tous les jeux de NES parce qu'il y en a ben trop. Ouais, c'est ça. Ben, lui, il s'est dit ça. Ben, il est malade. Comment est-ce qu'il a eu le temps d'écrire une chanson, tu sais? Le gars, c'est sa vie. C'est sa vie. Ben, tu sais, sûrement qu'il doit ramasser des dons pour ça. On en reparlera. Oui, ben mais c'est ça. Mais il fait du cash là-dessus quand même un peu. C'est en plein ça. Donc, Nesmania, c'est un défi très, très, très ambitieux qui est de réussir tous les jeux sortis officiels de la NES. OK, oui. OK, on est le premier Nintendo. Il n'y a pas de hack là-dedans ou de jeu non officiel. C'est vraiment les jeux qui sont sortis officiellement sur la NES. Les sorties officielles. Moi, je pense pour le nombre que j'ai vu, parce qu'il y en, lui, il y en a 710 de répertoriés, donc il doit avoir aussi quelques exclusivités japonaises. Sûrement. Et là, tu dis qu'il doit faire, il doit les réussir, donc faire le tour de chaque jeu. C'est ça. Okay. Mais encore là, faire le tour comment? Est-ce que tu peux sauter le début, puis le milieu, puis la fin, tu sais, te rendre directement du début à la fin par un warp? Non, il va falloir que tu fasses tout le jeu. Ben c'est ça, c'est la question que tout le monde peut se poser. C'est quoi les règles qui sont définies? Ouais. Et donc, t'as pas le choix d'être clair. On prend le premier jeu de Mario, OK? Est-ce que c'est juste de le terminer ou t'es obligé de le faire sans utiliser de warp? Sûrement sans utiliser de warp. Bon, c'est ça. J'espère. Ben, en tout cas, j'ai pas pu voir la fois qu'il l'a essayé, donc j'ai pas vu c'était quoi les règlements qui étaient faits. Mais oui, c'est sûr que tous les jeux, les règles doivent être strictes et ils doivent être déterminés avant qu'il commence le jeu. Évidemment, oui. OK. La manière qui fonctionne, c'est qu'il demande, lui, dans le fond, c'est The Mexican Runner. OK, raciste, much? Non, ben non, il est mexicain. C'est une joke. C'est bien. Hein? T'as pas le droit de rien dire en 2016. Ah, je sais. Je le sais. Aïe, aïe, aïe. Il a le droit de se donner le nom qu'il veut. Bon. C'est ça. Puis il va encore mieux porter son nom si c'est Trump qui est élu aux États-Unis. Oups. Sortez l'homme de la politique, mais sortez pas la politique de l'homme, comme on dit. Ouh, nice. Je trouvais que c'était une belle continuité de ton gag. Pas pire. Ouais, c'est ça. Donc, The Mexican Runner, qui est très, très, très connu sur Twitch. OK. OK. Premièrement, il passe beaucoup d'heures là-dessus. Il y a plusieurs records du monde. Il était invité tout le temps quand on a les Awesome Games Done Quick, ouais. Summer Games Done Quick. On a déjà parlé de ça dans une précédente chronique. Exactement. Donc, disons qu'il donne un bon spectacle. Mais en plus de ça, c'est qu'il s'est très bien entouré. OK. De la manière qui est organisée pour streamer, c'est vraiment fait professionnel. Il a acheté du bon matériel. C'est ça. Donc, c'est le micro haut de gamme, la grosse caméra HD. Il t'a un ordinateur, c'est une machine de guerre. Pis il a pas dû commencer avec ça. J'imagine qu'il a graduellement monté son stock. Un peu comme toi, tu fais. T'as commencé sur Twitch et là, t'as augmenté ta puissance d'ordinateur c'est ça. Avec exactement. Le temps. Ouais. Mais lui, il a réussi en plus avec sa personnalité de se faire un nom comme ça. Ouais. Le branding n'arrête pas là. Donc, il s'est entouré d'artistes. OK? Donc, tout ce qui touche, ben, tu peux avoir des dessins qui vont être faits, des montages qui vont être faits, donc ça vient rajouter un peu à l'expérience. Et c'est un musicien. Ah, OK? Wow, oui. Dans quel groupe est-ce qu'il fait partie? c'est The Mexican Brothers. OK. OK. Et c'est ça. Donc, ils ont plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. En fait, même si vous allez sur sa page Twitch, vous allez avoir aussi tous les sites pour aller chercher de la musique. Il fait de la musique de jeux vidéo. OK. Actuellement, pour vous donner une idée, il est en train de ramasser de l'argent. Je l'ai où, l'objectif? OK. Il est en train de faire un album de chansons de NES qui va s'appeler Origines. Oh, wow! OK? Et c'est ça, il a besoin de 3 000 $. Donc, il joue à des jeux vidéo, puis il demande aux gens de financer son prochain album en même temps. Donc, c'est un peu un... C'est un... voyons comment on appelle ça, les... Quand tu demandes aux gens de financer ton projet. Sous-financement, c'est ça que tu veux dire? Non. Téléthon, Radioton. Pourquoi est-ce que je. C'est Kickstarter. Kickstarter, je oui. Je vais le dire à maintenant. Indiegogo et les autres trucs comme ça. C'est ouais, ça, okay. Exactement. Ouais. Donc, il fait ça. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est parfait, mais je vais jouer à des jeux de NES pendant que vous me faites des dons. Ah, c'est bon ça. C'est ça. Puis en retour, ben, vous allez avoir un album que je vais enregistrer. Why not? C'est ça. Il est quand même rendu à 1 700 $. C'est pas son objectif. Juste vous donner une idée aussi, actuellement, il y a 394 jeux de fait sur 710. Même pas à la moitié. Il est même pas à la moitié, mais quand même. Il est rendu à, je veux juste voir le chiffre, 2 033 h 14 min de jeu. Ah, tu dis que c'est sa vie, ça n'a pas de sens. C'est ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que, avec la musique, avec les sponsors qu'il y a, le fait que les gens donnent des dons sur Twitch, il vend de la musique, il fait des concerts... C'est quelqu'un qui doit vivre de ça. Ouais, j'avoue que tu t'aimes pas vraiment jouer à ces jeux-là. En plus, c'est des bons jeux. Mais il y a sûrement des navets là-dedans. Ben, c'est sûr. Ouais. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Pour avoir une collection de 300 jeux de NES, je peux te le dire, il y en a une couple que je ne jouerai plus jamais. Même pas à moitié. Ouais, non, je suis même pas à moitié. Je suis même pas à moitié, effectivement. Ça t'a coûté combien juste les NES? Ça, c'est une question pour une autre chronique. C'est ça. Ouais. Je m'en rappelle pas. Je peux pas dire j'ai investi combien de mon Excel argent. Avec les... Non. Non, je note pas le. J'ai ma feuille Excel avec tous les jeux, coche quand j'ai les ai. Évidemment. Mais je note pas le prix auquel je l'ai acheté parce que ça je pense peur, que ça, hein, ouais. Ça me ferait peur à un moment donné de voir le total quand j'ai la collection complète. Je comprends ça. Mais c'est correct. L'important, c'est que mon budget balance encore. Et c'est ça. Et l'important, c'est d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Voilà. C'est en plein ça. Et j'ai du plaisir à collectionner et à jouer à ces jeux-là. C'est clair que oui. Donc, c'est ça. Donc, quand même, et comme là, actuellement, il est en train de jouer à Might and Magic. Okay. Comme là, je suis sur sa page Twitch actuellement. Ouais. Donc c'est ça. T'es en train de faire une chronique à la radio, arrête de regarder la télé. Non, mais je l'ai mis sur pause. Okay, pour pas être distrait par l'image, justement. Merci. Donc c'est ça, il prévoit 40 à 80 heures pour faire le tour du jeu. OK. Et dans le fond, pour réussir le jeu, ça dit Enter the Inner Sanctum. Je connais pas assez le jeu pour savoir exactement c'est quoi. Ça fait sexuel un peu, là. Entre dans le sanctum. Mais... Ouais, effectivement. Ouais. Mais j'imagine que c'est un lieu qui doit être un jeu et quand il atteint ce lieu-là, le jeu est considéré comme étant complet. Ah, je vois, OK. Dans la manière qui fonctionne, c'est que c'est les followers sur Twitch qui disent parfait, essaye tel jeu. OK. Donc, il n'y a pas d'ordre prédéfini. C'est pas en alphabétique, mettons. Ou en ordre de sortie, mettons. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui lance une idée, puis s'il l'a pas faite, il va avec celle-là. OK. OK. Puis éventuellement, il va avoir fait le tour. Là où ça devient spécial, OK, c'est exemple quand il fait un jeu comme Pac-Man. Ouais, il n'y a pas de fin à ça. Mais non, un score peut-être à battre. Ben, il y a le niveau 256 oui, qui ça glitche un peu, là, ouais. Mais je pense pas que c'est là qu'il doit se rendre. OK. OK. De la manière que j'ai compris qu'il fonctionnait, c'est qu'il y a des gens qui connaissent bien le jeu, qui savent à partir de quand le jeu commence à boucler. Ouais. Parce que comme exemple, Pac-Man, je me mets peut-être avec un autre jeu, mais à partir d'un certain niveau, c'est le même tableau que le niveau se répète, mais il accélère graduellement. OK. Ouais. Tu sais, quelque chose comme ça. Donc, eux autres, ils disent, regarde, une fois que tu as fait la boucle une fois, c'est considéré comme étant terminé. Ce qui a du sens encore. C'est ça. J'ai vu une couple de jeux aussi comme. C'est Wreck Crew. Wrecking Crew. Crew. C'est le fun, ce jeu-là. Oui, ouais. Mais c'est ça. Mais ça, tu n'avais pas besoin de faire tout. Un moment donné, ça bouclait. On arrêtait ça là. Juiced. Ouais. OK. Un moment donné aussi, tu boucles avec les niveaux. Puis un moment donné, c'est juste les niveaux sont pareils. Mais soit ils augmentent la vitesse ou ils font juste mettre un petit quelque chose de plus. Mais regarde, tu construis comme si tu avais complété. Ouais. Donc, il y a des règles préétablies. Et je suppose que c'est une communauté qui décide ensemble quelque chose, mais les règles sont strictes dès qu'il commence le jeu. Oui. OK? Donc, quand même, c'est bien encadré, je te dirais. Dans le fond, quand il commence le jeu, il peut pas passer à un autre jeu. Il faut qu'il finisse celui-là. Exactement. Ouais. Non, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de niaisage avec ça. Là. C'est comme ça que ça marche. C'est un méchant défi. Ben là, tu dis... C'est colossal. C'est des années, ça, non? Oui. Au moins des mois. Oui. C'est, ouais. Non, c'est un projet d'année. Oui. C'est ça. Mais quand même, 394 jeux sur 710 déjà. Ouais, ça avance vite. Ça avance très très vite. Ben, je sais pas combien de temps qu'il fait, là, ça dit pas, mais. Est-ce que ça dit? Je vais essayer de voir ça. une minute. T'as vu le remix de Zelda derrière? Ouais, c'est excellent. Dedans. Il me met dedans vraiment. Oh, c'est excellent. Pour ceux qui cherchent, des fois, quand je mets des trames de fond, des fois, j'oublie de le dire. Pendant que tu cherches, je peux toujours mentionner que c'est Nintendo Remix Track 11 NES Arranged Medley sur la chaîne YouTube Pokémew3X pour ceux qui s'intéressent. Nice. Voilà. C'est bon. Je vois pas de date de début. C'est pas grave. C'est pas grave, mais regarde, j'ai un commentaire ici qui date de 2014. C'était déjà en cours de... Mais est-ce que c'est une page web qu'il utilisait déjà, qui a juste renommé Nesmania, ouais. Donc c'est des commentaires pour d'autres de ses projets avant? C'est ça que j'arrive pas à savoir. Des détails, c'est pas cool. C'est ça. Mais reste une bonne question, ça fait combien de temps qu'il est là-dessus? On sait que ça fait 2033 heures, mais on sait pas, c'est éparpillé depuis quand. Ah, je me demande s'il fait genre des 8 heures par jour, ou est-ce qu'il fait des 12 heures par jour, je me demande, tu sais. Je sais pas, mais je sais qu'il est souvent connecté quand moi je vais sur Twitch. Tu suis souvent jusqu'à maintenant, est-ce que tu l'as vu jouer un peu? Oui. Il joue bien? Il joue très bien. Oh non, sérieusement, là, il connaît ses jeux. Tu dis jamais genre, je pourrais faire mieux que lui? Jamais. Non. Jamais. Je pense que même, je regardais l'autre jour, il faisait un jeu de baseball. Là. Ok. Donc, Bases Loaded. C'est plate. Mais fallait qu'il fasse une saison. Fallait qu'il gagne une saison complète. Puis je pense qu'il a fini la saison 82-0. Wow! Okay. Ouais, pour lui, il m'a toujours bien fallu qu'il fasse 82 matchs. Ouais. C'est long, là, des matchs de baseball là-dedans. Là. Tu dis, à qui le dis-tu comment c'est long des matchs de baseball? Mais c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'il y a des jeux de sport, là, même comme, mettons, il joue à un jeu d'NHL. Ouais. C'est de gagner. Faut que tu gagnes une Coupe Stanley, mettons. Okay, ouais. Faut que tu joues la saison complète, plus les séries. Puis que c'est long. Ouais. C'est très long, mais regarde, ça va passer son affaire. Ouais. Mais là, une question que je me posais, puis je pense que je vais vérifier immédiatement pendant que j'y pense. Comme tu as parlé, il y a des jeux vraiment médiocres. Oui. OK? Donc, je suis sur un site de jeux vidéo, donc NES Games, puis je vais les placer en ordre de prix. Oui. Parce que les jeux que les gens veulent le moins, ben c'est les moins chers. Évidemment. Ceux que tu as acheté en premier pour tes 300 quoi. Exactement. Tu as tout compris. Bon, ben, calme. Ouais, c'est ça. OK, ben regarde, je l'ai ici. Un jeu comme Top Gun. Basé sur le film. Ouais, ben c'est un peu des simulateurs de vol. OK. Sinon, j'ai... Golf. Je sais pas c'est quoi l'objectif de ce jeu-là. C'est pas le jeu avec Mario sur la couverture. Ouais. Il est pas vraiment tant que ça dans le jeu. Exactement, ouais. C'est ça. T'as tout compris. C'était juste pour vendre. Ouais. Pinbot? Ouais, mais les pinball machines, là. C'est un pinball, mais au milieu, c'est comme une craque de fesses. Ouh! Pinbot. Oh non, B-O-T. Ah, pas B-U-T-T. Dommage. Mais si quelqu'un veut se faire là, ce jeu-là, je prends un crédit là-dessus, une portion des ventes. C'est bon. C'est ça. C'est très bon. Track and Field. Ah, c'est pas l'affaire qu'il faut que tu mash-up tes boutons pour avancer puis courir. Oui, c'est dégueulasse. Oh, yeah, quash. Non. Je sais. Ça, c'est les pires jeux, je pense. Ouais, mais est-ce qu'il l'a fait? Je vais aller dans sa game list. J'aimerais s'il y avait les archives de ces jeux-là. Track and Field. Mais je pense qu'il y en a. Ah oui, OK. Oui, sur YouTube. Puis sinon, sur le site Nesmania, je pense que si tu cliques sur le jeu, génial. Tout là, le vidéo YouTube de quand il le fait. Ça fait que ça, je vais mettre ça sur le Mathieu Plancho. J'aimerais raison, ça sur la page Facebook, évidemment, du Mathieu Plancho. Oui. Track and Field. C'est l'avancée là-dedans. Donc, j'ai les Teenage Mutant Ninja Turtles. Non, il n'y a pas de Track and Field encore. Les jeux les plus chers, si tu as la liste devant toi, tant qu'à faire, les classer par ordre avec le plus cher en haut, là. Ah, ça nous donne quoi? Ça m'intrigue. Oui, je vais faire ça. Karate Champ. Okay. OK, ce jeu-là a une étoile. Ouais. Je pense que c'est moi qui l'ai donné. Ou sinon, je fais partie des gens qui ont donné. Wow. Ouais, j'ai jamais réussi à comprendre comment que ça marchait. Okay. C'est jeu de combat. Ouais. OK. Mais l'affaire, c'est que, exemple, quand je suis rendu, mettons qu'on inverse les personnages, ouais. Ben, ils continuent tout à donner des coups de pied vers la droite. Ah, alors que l'autre est dans l'autre bord. Hey boy. Je comprends pas le fonctionnement du jeu. Donc, ça aussi, je me demande qu'est-ce que ça va donner quand il va faire ça. Donc bref, c'est des jeux comme ça que j'ai aucune idée comment qu'il va faire, puis j'ai hâte de voir comment que les règles vont être choisies. Ouais. C'est intriguant. Donc tu m'as dit de placer ça high to low. Ouais. C'est ça. Donc Little Samson, 1050$. Hey. Flintstones, Surprise at Dinosaur Speak, 960$. Panic Restaurant, 400$. Bonk's Adventure, 396$. Bubble Bubble Part 2, 380$. Action 52, 370$. Power Blade 2, 350$. Snow Brothers, 321$. Pas pire. Zombie Nation, 300$. faut évidemment dire que ces jeux-là sont disponibles à jouer en tant que tel en ROM avec un émulateur. Tout le monde peut y jouer. C'est de l'avoir en cassette d'origine qui est difficile à avoir. Exactement. Soit parce que c'est une édition spéciale ou la cassette est sortie en fin de vie du NES. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires de vendus. Parce que si vous êtes vraiment fanatique de juste jouer à des jeux vidéo sur une vraie NES, parce que moi, je trouve que les émulateurs, c'est pas nécessairement fidèle. Surtout quand tu joues avec une manette avec des boutons un petit peu trop caoutchouteux comparé à la vraie NES. Je trouve que c'est pas pareil. Moi, je joue avec mes manettes de NES. Oui, oui, non, je sais, mais il y a beaucoup de gens qui ont des manettes de PC ou de Mac, d'ordinateur, sinon, pour jouer, c'est pas la même chose. Oui, il y a des manettes de NES USB sur Internet, facilement. Oui, ou comme moi, j'ai juste acheté le convertisseur. Oui, l'adaptateur, oui. Oui, adaptateur. Donc, c'est ça, puis ça fonctionne super bien. Et on peut graver des ROM sur une cassette si on a l'équipement pour aussi. Oui, et il existe aussi des cassettes, c'est des flash cards. Oui, exact, oui. C'est ça, que là, tu peux transférer les ROM dessus et mettre ça dans ta console. Les ROM étant le fichier qui est la copie du jeu c'est sur ça. La cassette. Exactement. Pour expliquer. C'est ça. Donc, évidemment, ça inspire beaucoup de monde, ça, le NES Mania. J'adore le défi, j'ai le goût à un moment donné de m'en partir un comme ça. Oui. Je le ferai peut-être pas au NES. Pour être original un peu, tu pourrais faire d'autres choses. Ben, c'est ça, mais j'aurais le goût de peut-être me faire un défi de genre, mettons, Nintendo 64, quelque chose comme ça. Un Sega Genesis Mania. Ouais, c'est ça. Non, mais quelque chose de même. Ouais, ouais. J'aurais le goût à m'aider de pousser ça un peu plus loin. Sinon, j'ai regardé un petit peu sur. Au niveau des. Parce que je suis beaucoup de Québécois sur. Twitch. Parce que j'essaie de me ramasser une communauté québécoise. Ça fonctionne à date. Que je fais ça avec Steph, qui est ma co-animatrice. Et on est rendu, je dirais, une bonne quinzaine à se voir tout le temps dans les streams des autres. Ouais. Puis on se partage nos viewers. Écoute, ça développe tellement une belle communauté. J'adore ça. Et tout le monde est respectueux. Ceux qui le sont pas, ben, on leur dit d'aller voir ailleurs. Hein. Donc lui ici s'est lancé. Donc G-Unit, c'est un de ceux que je suis. Puis qui vient souvent me voir aussi quand que je stream. Et lui, il s'est lancé I Wanna Beat the NES. Donc, il est rendu à 34 jeux, lui, de réussite sur le lot. Donc, lui ici, il a décidé de se lancer là-dedans. Et le défi le plus extrême que j'ai vu à date dans le lot, c'est Vid Tendo. Donc, Vid, Tendo. Ouais. À une lettre près, là. Deux lettres près. Ouais. Je n'ai pas insisté sur ça. Ouais, non, mais c'est ça. On est visuel, je pense, c'est tout. Exactement. Donc, c'est ça. Lui, il a poussé ça encore plus loin. Donc, il veut aussi réussir le défi du NES. Sauf que lui, c'est tout en No Death Run Challenge. Non. Sans mourir, sinon tu recommences au début? C'est ça. Non. Donc, exemple, je l'ai vu faire Ninja Gaiden. Et aussitôt qu'il mourrait un coup, il recommence au début. Ça, je pense que ça n'aura jamais de fin. Tu peux pas réussir ça dans ta vie, je pense. Mais je pense que c'est son objectif, que ça n'ait pas de fin. Bon, tant mieux. Lui, il veut que ça l'occupe. C'est un maniaque du NES, puis j'ai l'impression qu'il veut rester sur le NES toute sa vie. Ouais. Donc, c'est ça. J'essaie de voir, il est rendu à combien. Si tu indiquais quelque part, dans son challenge, peut-être plus mal l'avoir, là. Ce sera pas long. Deux. non, je sais qu'il en a réussi plusieurs. Ouais. Si tu indiquais sur son... quand il joue. Oui, c'est écrit. Il est rendu à 36 jeux sur 757. 36, c'est déjà mieux que rien, là. Je m'attendais à moins que ça. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment un as, le gars, là. Lui, il prend un jeu, puis je vais le faire sans mourir, puis il réussit. Il faut vraiment le connaître par cœur pour pas mourir. Oui, exact. Actuellement, il fait Adventure Island. Ah, c'est fun, ça! Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais il connaît tout par cœur. Quand est-ce qu'il doit appuyer sur A, quand est-ce qu'il doit se pencher, quand est-ce qu'il doit sauter, quel objet qu'il doit ramasser. Les marteaux, les planches à roulettes, non, c'est ça. Il sait tout par cœur. Ouais. Je trouve ça incroyable. C'est quelque chose. Mais c'est ça. Donc, c'est ça le NES Mania. Ça amène plein de belles choses sur Internet. Et The Mexican Runner, je vous invite vraiment à aller le voir sur Twitch. Il donne un spectacle. Puis, il y a tellement de projets autour. C'est de toute beauté. Twitch.tv, The Mexican Runner. C'est ça. Mexican Runner en un mot. Ouais. Et NES Mania, c'est quoi le site web? C'est un petit peu NESmania.net. Bon, au moins, j'allais dire... pas original, en fait, c'est original. Point ouais, là. C'est ça. C'est rare. Mais de toute façon, je vais tout mettre les liens sur la page Facebook de Mathieu Plancho en plus de ça. Je te fais confiance. C'est ça. Donc, j'y étais avec une chronique un peu plus courte parce que je voulais pas manquer de voix. Oui, et je suis content, finalement, je me suis pas trop étouffé pendant qu'on l'a fait. Donc, je pousserai pas ma loc. Ouais. Je fais dire que tiens, on va arrêter ça là. On va arrêter ça là, mais on va quand même prendre le temps de parler de Junior Liberté qui s'en vient jeudi à 9h30. Oui. Samedi à 10h. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Ben, très simple, les attentats. De Belgique, très tragique, c'est sûr qu'on en parle. On parle de la visite de Marine Le Pen. Ouais. On parle des budgets provinciaux, fédéraux qui ont été déposés. Et sinon, ça va être en fait une pluie d'actualité de... Une pluie d'actualité. Ouais, c'est ça. Wow. Donc, je cherchais un bon terme pour dire ça, mais c'est qu'il y a eu tellement de choses. Donc, on a plein de petits jeux qu'on va couvrir en 2-3 minutes. On fait ça des fois à l'émission quand il se passe beaucoup de choses. Donc, on met l'emphase sur le principal. Puis le reste, on va défiler ça pour au moins dire qu'on en a parlé, puis donner notre opinion là-dessus, informer les gens sur qu'est-ce qui s'est passé. Exactement, c'est ce que les gens veulent dans cette émission-là, J'ai la liberté. Est-ce que tu penses que les attentats de Bruxelles, Marine Le Pen, ça a dit que, est-ce qu'elle a dit que ça y faisait de la peine? Quel mauvais jeu de mots. Ouais, c'est correct. Mais oui, ça y a fait de la peine. Arrête donc. J'ai la liberté, c'est le jeudi à 9h30. On rappelle les samedis à 10h. Samuel Girard, on te retrouve dans 2 semaines pour Mathieu Plante Show. Moi, être là, tu vas être là. Tout le monde va avoir du fun. Exactement. Mercredi entre 15h et 17h pour le Mathieu Plante Show. Merci. On va écouter le reste de ce medley parce qu'on arrive presque à la fin. C'est Nintendo Remix Track 11 NES Arranged Medley. Et on revient dans quelques instants au Mathieu Plante Show. Digit X avec Far Away sur son nouvel album qui date de cette année 2016. Vous pouvez le retrouver sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission de cette semaine. Et c'est déjà tout pour le Mathieu Planche Show de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis les mardis de 15h à 18h pour le reste de la saison. Consultez la programmation complète sur cifou.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Planche Show avec Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye! I'm not going to do that.